Fantôme d'amour par Paul Junka. Robert, dit le docteur Lézignan à son neveu, je me sens un peu fatigué ce soir et n'ayant envie de sortir. Veux-tu aller à ma place chercher ta cousine chez nos amis Grandier ? Mais certainement, mon oncle, avec plaisir, répondit le jeune homme. Il alluma une cigarette et sortit. La nuit était toute bleue, de ce bleu limpide et frais qui annonce l'approche du printemps. Robert Lézignan songeait en marchant, comme on songe au cours de ses promenades collectives. Mille choses légères et charmantes vagabondaient dans son esprit. Il pensait aux gaies journées du quartier latin, aux amis qu'il avait dû quitter quelques jours auparavant, à son bon oncle si heureux de le garder près de lui désormais, à cette jolie Marcel de Plassac, qu'il allait en grand-mère amener au logis. Bien qu'il eût de longue date l'habitude de la nommer sa cousine, Marcel de Plassac n'avait avec lui aucun degré de parenté. Également nièce du docteur Lézignan, mais appartenant à une autre branche, elle n'avait avec le jeune homme que des liens de camaraderie et d'amitié, liens d'ailleurs assez superficiels, car jusqu'ici tous deux ne se voyaient que pendant les vacances qu'ils passaient chaque année à Pont-sur-l'Adour, chez le digne oncle qui leur avait tenu lieu de père et nourrissait secrètement l'espoir de les unir un jour. Cela, Robert s'en doutait depuis longtemps, mais il ne se le rappelait pas volontiers. Non que Marcel ne fût une jeune fille délicieuse, au moral plus encore qu'au physique, et destinée à devenir une de ces femmes très rares que tout homme, au moins une fois en sa vie, a rêvé de rencontrer pour en faire sa compagne et la douceur de son foyer. Mais Robert remettait à plus tard d'envisager sérieusement cette perspective. Comme il se le disait dans le libre langage intime, qui trouve de si ingénieuses raisons pour excuser nos fautes et prêter d'honorables apparences à nos faiblesses, il n'était pas mûr pour le mariage, et en attendant que l'opportunité s'en présentât à son esprit, il se laissait vivre, satisfait de la beauté des jours et de la clémence du sort. Les quiétudes de cette sorte ont souvent de terrifiants réveils. Quand Robert arriva dans la maison hospitalière où Marcel passait la soirée en compagnie d'autres jeunes filles, celle-ci l'accueillit par un cri de surprise effrayée. « C'est vous qui venez me chercher, Robert ? Mon oncle sera-t-il malade ?»« Oh non !» répondit le jeune homme. « Il est à peine fatigué. Mais le cher vieux se ménage, vous le savez, et il a préféré ne pas sortir. »« Ah, tant mieux » murmura-t-elle avec un soupir de soulagement. « J'ai eu peur. » Il sourit, doucement railleur. « Si vite épouvantée, jeune personne impressionnable ?» Mais elle le regarda très grave. « On a aisément peur pour ceux que l'on aime. » Ils revinrent paisiblement dans la nuit silencieuse. Ils causaient de tout et de rien, sans effort d'amabilité mondaine, en bons amis qui ont toute la vie devant eux. Quand ils arrivèrent à la maison du docteur, Robert sonna gaiement, avec une allusion de taquinerie cordiale à la tendre préférence que leur oncle manifestait paternellement pour Marcel. « Voici la chère petite brebis rentrée au bercail. Je respire. Ma responsabilité était si grande. » On entendit à l'intérieur un bruit de pas précipité. Marcel murmura. « Il me semble que Jeannette se bouscule bien ce soir. » Elle n'acheva point. La porte s'ouvrait brusquement, laissant voir le visage bouleversé de Jeannette, la vieille gouvernante du docteur, qui, en apercevant les jeunes gens, leva les bras au ciel par un geste de navrant désespoir. « Ah, mes enfants !» balbutia-t-elle d'une voix presque inintelligible. De grosses larmes coulèrent sur ses joues, descendirent lentement dans les sillons profonds de ses rides, donnant à cette figure parcheminée une indicible expression de douleur. Marcel était devenu pâle comme un lys. « Pour Dieu, que se passe-t-il, Jeannette ? » interrogea-t-elle, haletante. Robert lui-même était impressionné, mais il n'eut pas le temps de questionner. Jeannette leur jetait la sinistre nouvelle. « Mes pauvres enfants, votre oncle est mort !» Il venait de pénétrer dans le vestibule. Marcel s'appuya contre la muraille pour ne pas tomber. « Mort ? » répéta-t-elle, égarée, comme si elle ne pouvait concevoir la réalité de cette chose affreuse. Une fine sueur perlait au front de Robert, chancelant à son tour d'être si cruellement et si soudainement frappé à la fois dans sa plus chère affection et dans la sécurité qui lui était si précieuse tout à l'heure encore. D'une voix entrecoupée de sanglots, la gouvernante expliquait. « Hélas, que le malheur est vite arrivé. Robert venait de sortir pour aller vous chercher, Marcel, et je montais à votre oncle une tasse de tisane qu'il m'avait demandée un moment avant. En entrant dans la chambre, je remarquai qu'il ne remuait pas. « Vous dormez, monsieur le docteur ? » demandai-je doucement. Il ne me répondit pas. Le cher homme ne devait plus me répondre jamais. Je me penchai vers lui, il avait cessé de vivre. Ébranlée par ce récit, Jeannette enfouit dans son mouchoir son vieux visage décomposé de chagrin. La tête baissée, Marcel pleurait sans mot dire, en proie à une désolation infinie et silencieuse. Robert la prit doucement par la main. « Montre-le voir, Marcel. » Elle réprima un spasme de douleur et le suivit, passive, courbée sous cet effroyable coup de la fatalité. Du seuil de la chambre, ils aperçurent le docteur Lézignan, immobile dans son fauteuil, souriant, un livre à la main, tel que la mort l'avait surpris, une expression de calme auguste descendant sur ses traits. Le docteur Lézignan. Hélas, ce n'était plus qu'une apparence, une forme prête à disparaître. L'âme avait déserté. À cette vue, ce qui restait de courage dans le cœur des deux jeunes gens se brisa. Robert s'inclina, courbé par une subite détresse, et Marcel s'affaissa à genoux, plus orpheline que quand moururent les parents qu'elle n'avait guère connus, avec la sensation désespérée que sa seule vraie tendresse venait de l'abandonner. Marcel, disait Robert quelques jours plus tard, les plus sages ne pensent pas volontiers à quitter ce monde. La preuve en est que notre oncle regretté, qui se savait pourtant menacé par une maladie de cœur, n'a pas songé à prendre ses dispositions. Sans doute différait-il de jour en jour par une superstition inconsciente. Mais cette absence de testament ne peut être une cause de difficulté entre nous. Il nous considérait comme ses deux enfants. Vous plaît-il que nous partagions sa fortune en deux moitiés ? Elle eut un geste d'acquiescement muet. Comme toutes les natures foncièrement délicates, il eût été pénible à l'ordinaire de discuter des questions d'argent. Et cela lui devenait une vraie souffrance aujourd'hui, qu'il s'agissait des biens de l'homme qu'elle avait pleuré, comme le plus tendre père et dont la perte demeurait toujours saignante dans son cœur. Robert reprit. Le règlement de cette succession est donc des plus simples. Je vous demanderai seulement de vouloir bien accepter la maison de votre part. Comme je ne compte pas résider à Pont-sur-l'Adour, elle me sera bien inutile. Marcel bégaya. Comment ? Vous ne restez pas ici ? Il eut un signe énergique de dénégation. Certainement non, qui ferais-je ? Ce qu'a fait votre oncle, du bien ? Dit Marcel d'une voix douloureuse. Oh ! Rétorqua Robert avec un geste qui éludait. On peut faire du bien partout. Je ne me sens pas le goût d'en faire dans ce trou de province, voilà tout. Si mon oncle avait vécu, j'aurais consenti à demeurer temporairement ici et à le seconder pour ne pas lui causer de chagrin. Maintenant je suis libre, j'en profite. Marcel soupira longuement. Elle était de ces âmes très tendres qui croient qu'il suffit d'un trou de province, d'un tout petit coin pour être heureux. Timide, elle recommença. Alors vous voulez partir ? Il ne sentit pas ce qu'il y avait d'épouvante, de détresse inexprimable, dans cette question tremblante. Insouciant, il répliqua. Oui, comme je viens de vous l'apprendre, et le plus tôt possible. Marcel se tut. Un écho de désolation infinie vibrait en elle. Pourtant, au bout d'un instant, elle s'informa encore. C'est à Paris que vous retournez ? Pour vous y fixer, sans doute ? Il sourit, ouvrant les bras d'un mouvement ample. À Paris d'abord, ailleurs ensuite. Le monde est grand, quoi qu'on en dise, et un rêveur a de la place pour y promener sa fantaisie. La jeune fille baissa sa tête, vaincue. Un frêle et palpitant espoir s'envolait de son cœur, et elle ne tentait pas de le reconquérir, car elle savait bien qu'elle ne pouvait pas lutter, elle qui n'avait que son humble tendresse à donner contre l'enivrante séduction de l'indépendance et la prestigieuse magie des grands pays inconnus. Elle souscrivit sans réserve à tous les arrangements que Robert lui proposa. Puis elle remonta dans sa chambre, au premier étage de cette maison, désormais la sienne, qu'elle habiterait seule, et à bout de force, elle s'écroula sur son lit, un tumultueux sanglot la déchirant tout entière. Depuis des années, Robert Lézignan voyageait. Il s'était fait attacher en qualité de médecin à différentes missions scientifiques, grâce auquel il parcourut à peu près les cinq parties du monde, et dans la griserie spéciale, à ses pérégrinations lointaines, il avait presque oublié Pont-sur-l'Adour et ses habitants. La pauvre Marcel, elle aussi, reculait de plus en plus dans sa pensée. L'extrême difficulté des communications espaça toujours davantage leur correspondance, assez active au début, et un moment vint où, après s'être écrit rarement, ils ne s'écrivirent plus du tout. L'absence accomplit son œuvre d'indifférence et d'oubli. Pourtant, de ces deux cœurs qu'avait séparé un caprice, une vocation peut-être, l'un n'oubliait pas et se rongeait lentement de ne pas oublier. Un jour arriva à Robert, alors en pleine Afrique, une lettre couverte de timbres multicolores, qui avait longtemps couru derrière lui. Il constata, non sans surprise, qu'elle portait, à demi effacée par les nombreux incidents de ses voyages, le cachet de l'étude du notaire de Pont-sur-l'Adour. En termes brefs et corrects d'affaires, ce dernier l'informait de la mort de Mademoiselle Marcel de Plassac, mort qui en ce moment remontait déjà l'année précédente, et par laquelle Robert Lézignan entrait en possession de la totalité de la fortune du docteur. Marcel, en effet, n'avait pas cru qu'il lui fût permis de disposer de ce qu'elle tenait de leurs parents communs. Elle léguait à Robert la maison où elle avait achevé sa courte vie afin qu'il pût venir s'y reposer un jour. « Pauvre enfant !» murmura Robert, ému de la délicatesse de cette dernière pensée. Ce fut toute l'oraison funèbre de ce tendre cœur. Pourtant, le voyageur fut triste pendant 2 jours. De cette tristesse presque impersonnelle et pour ainsi dire esthétique que cause la disparition d'un être charmant. Puis, une aventureuse expédition se présenta et le vent du désert chassa la mélancolique image de la douce figure qui ne sourirait plus. Du temps coula. D'abord, Robert Lézignan ne sentit pas le poids. Il se laissait vivre, ou plutôt il se laissait emporter par cette vie d'insouciance et de liberté qui a tant de puissance sur certains caractères. Mais, insensiblement, une fatigue lente s'empara de lui. À son insu, il ne prenait plus le même plaisir aux courses sans fin, aux galopades effrénées dans le mystère des solitudes. Ce mystère lui-même ne l'attirait plus. Il s'alourdissait, en dépit d'une persistante vigueur extérieure, et jeune encore, il touchait à cet inévitable terme des existences trop actives qui s'abandonne à la fin dans une irrépressible nostalgie de paix et de repos. Alors il se souvint qu'un asile l'attendait, une maison tranquille, toute pleine de l'attrayante mélancolie des souvenirs. C'était l'heure qui sonne dans la vie de tout homme où un foyer paraît le comble du bonheur, et une compagne tendrement souriante, un pur idéal révèle trop tard. Robert Lézignan retourna au pays de sa jeunesse avec l'intention obscure de ne pas définir ses jours seuls et tristes dans son logis désert. Ce n'était pas l'argent qu'il cherchait. C'était la douceur d'une affection sereine, le réconfort d'une société fidèle. Et il était presque sûr de réaliser sans difficulté ses aspirations d'humble sagesse. Dans le trou de province dédaigné autrefois, il ne manquait pas de jeunes filles sans doute prêtes à se dévouer à celui qui les choisirait. Robert se hâta, entrevoyant dans un proche avenir la suavité d'une vie recommencée, immuable cette fois, épanouie au milieu de la tendresse reconnaissante de l'épouse et sans doute, un peu plus tard, de caresses d'enfant. Il était revenu depuis 1 semaine, sans toutefois avoir encore revu personne. Il avait voulu d'abord être entièrement au plaisir doucement triste de se retrouver dans la maison familiale après si longtemps, au milieu des vieux meubles dont chacun lui était ami et lui parlait les mauvais langages du passé. Une fois le pieux hommage du retour apporté aux 2 tombes chères, il s'enferma dans la silencieuse demeure, avec une sorte d'appétit de recueillement dont il était lui-même remué et surpris. Il avait choisi pour s'y tenir habituellement l'ancien cabinet du docteur Lézignan, pièce simple et austère de laquelle Marcel avait dû faire également son séjour de prédilection. La vieille Jeannette, morte aussi depuis longtemps, n'était plus là pour le lui dire, pour lui fournir de ces détails menus, si précieux, touchant ceux dont on ne put consoler les derniers jours. Mais il les devinait à 1000 indices qui révélaient aux plus petites places les dernières traces de la présence évanouie. Un matin, ce fut un livre qui s'ouvrit sous sa main, un passage souvent feuilleté, et qu'il se rappelait avoir entendu lire par Marcel. Un autre jour, un ouvrage de broderie, inachevé, qu'il découvrit au fond d'un tiroir, amena des larmes dans ses yeux. Marcel n'était pas partie tout entière. Elle avait laissé dans la maison d'enfance une émanation de son âme. Cette âme, Robert devait la rencontrer face à face. Certains soirs qu'il désignait en lui-même comme le dernier de sa solitude, la journée du lendemain étant fixée dans son esprit pour commencer les visites nécessaires à renouer les relations anciennes et en créer de nouvelles, Il regardait encore par investigation machinale tous les recoins de différents meubles quand un carnet usé glissa de la tablette intérieure d'un secrétaire. Il l'ouvrit sans curiosité, mais aussitôt il tressaillit profondément. Un cri d'inexprimable douleur humaine montait de ses pas jaunis et lui bouleversait le cœur. Et ses feuilles usées, détrempées, jadis par les larmes, Marcel, d'un style bref et désespéré de télégramme, avait exhalé l'infinie détresse de son amour méconnu. Secoué d'un trouble qu'il n'avait jamais éprouvé, Robert lisait. Il veut partir. Il vient de me le déclarer. Ainsi, il est déjà fini, le timide rêve de ma jeunesse. Ce rêve que mon oncle lui-même, avec sa sagesse pourtant si haute, avait éveillé en moi. Souffrirai-je donc pour l'avoir cru? Et devrais-je vivre seul, désespérément seul, dans cette maison qui devait abriter notre jeune bonheur? Non, ce n'est pas possible, il ne partira pas. Sur la même page, Marcel avait tracé ces mots. Il part demain. On a apporté aujourd'hui une grande malle dont la vue m'arrache l'âme. Il me semble que c'est le cercueil où va être enfermée mon espérance morte. Quelque miracle ne surviendra-t-il pour l'empêcher de partir? Robert tourna le feuillet. Rien n'est survenu, il est parti. J'ai cru tomber en défaillance sur ce seuil d'où je le regardais s'éloigner. Et maintenant, c'est fini. Je suis seul pour toute ma vie. Je suis plus misérable et perdu sur la terre que la dernière des mendiantes. Ma souffrance est horrible, et je ne veux la dire à personne. Je ne puis la laisser déborder qu'ici. Je le sais, c'est d'une pensionnaire. Hélas, ne suis-je pas plus faible qu'un enfant devant cette douleur que je n'ai pas méritée? Pourquoi sème-t-on de pareilles illusions dans l'âme ignorante et confiante des jeunes filles? N'importe, il me reviendra bien un jour, je vais l'attendre. Un mois plus tard, je l'attends et cette attente est devenue toute ma vie. L'année suivante, tout espoir n'est pas perdu. Il m'écrit des lettres amicales, trop rares mon gré. Du moins, il ne m'oublie pas. Je l'attends toujours, de la même folle attente. À chaque minute, je me figure qu'il revient, malade peut-être, ayant besoin de mes soins, et je cours regarder si je ne l'aperçois pas au tournant de la rue. Que je bénirais la maladie, l'infirmité même qui me le rendrait. Au bout de 3 ans, il ne m'écrit plus. Tout intérêt s'est retiré de ma vie. Mes journées sont mornes affreusement. Je voudrais mourir. 5 ans après, mon dernier vœu va s'accomplir. Je meurs de ne plus attendre, de ne plus espérer. Du jour où j'ai compris que mon espoir était insensé, que jamais Robert ne reviendrait, j'ai senti que j'étais condamné. Du moment où mes journées ont été si lamentablement vides, je ne l'aurais plus souhaité de lendemain. Je n'ai plus trouvé en moi le goût de vivre. Mon cœur, la frémissante espérance de naguère ne faisait plus vibrer. C'est endolori du mal héréditaire de notre famille. C'est mon amour qui me tue, mon cher amour, que je vais ainsi emporter dans la tombe. Et d'une main qui tremblait, Marcel avait ajouté ces mots, les derniers. Robert, à mon insu, c'est pour vous que j'écris ces pauvres lignes. Je veux que vous les trouviez, si vous revenez un jour dans cette maison, dans notre maison, nous aurions pu être si heureux. Elles vous diront que ma pensée ne vous a jamais quitté et qu'elle demeurera invisible autour de vous. Robert releva son front brûlant, alourdi par les larmes que l'excès de sa fièvre intime empêchait de couler. Avec un regard éperdu, comme pour chercher dans la pièce, l'âme impalpable et présente. Il comprenait que lui aussi avait vécu la fin de son rêve et qu'il ne pourrait jamais amener une étrangère dans cette maison qui, pour lui, serait toujours hanté par un tendre et navrant fantôme d'amour. Paul Juncker.